Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Douglas Fairbanks et Mary Pickford, le couple royal d'Hollywood au temps du cinéma muet. En fait, c'était le bras Angelina, c'était Brad Pitt et Angelina de l'époque. Vraiment, c'était le premier couple royal que l'Amérique n'a jamais eu. C'était les deux plus grandes stars, et puis c'est le début du star system. Ils ont inventé ça aussi. D'ailleurs, ils ont su en jouer. Ils ont joué beaucoup avec des journalistes. Ils mettaient en scène leurs apparitions. C'était malin hein, pour l'époque. Ça n'avait pas existé, encore une fois. Julia Kupperberg, réalisatrice d'un documentaire sur Douglas Fairbanks à l'émission L'Instant M, diffusée à France Inter en 2019. Grande vedette du cinéma muet, Douglas Fairbanks et Mary Pickford ont profondément marqué l'histoire du cinéma américain. Le couple est derrière la création de l'Académie des Oscars. Ils seront les deux premiers acteurs à laisser leur empreinte de pied et de main sur le fameux boulevard des célébrités. Et avec Chaplin et Griffith, entre autres, ils créent également la United Artists Corporation, le premier studio indépendant d'Hollywood. In 1920, they went on a honeymoon that changed history. The couple traveled abroad. En 1920, leur lune de miel a changé l'histoire. Ce voyage à l'étranger a donné lieu à une énorme frénésie médiatique. À Londres, plus de 200 000 personnes s'étaient déplacées à Hyde Park pour voir Mary et Doug. Même chose à Paris, à Copenhague, puis à Moscou, où leur passage a attiré 300 000 personnes. Les films muets touchaient vraiment tout le monde. Silent films spoke to everyone. Pickford's fame was unprecedented because they'd never been the technology to deal with it before. Leur célébrité sans précédent était attribuable aux nouvelles technologies mobiles. Les projectionnistes pouvaient maintenant diffuser un film à Broadway pendant quelques semaines, puis ensuite en Afrique, à peine un mois ou deux plus tard. On rapportait dorénavant leurs moindres faits et gestes, l'achat d'une nouvelle voiture ou la construction d'une nouvelle maison. Leur manoir, Pickfair, a été bâti pour abriter une nouvelle race de célébrités. Their mansion, Pickfair, was designed to house a new breed of star. And Pickford and Fairbanks became royalty for Hollywood. Pickford et Fairbanks n'étaient rien de moins que la famille royale de Hollywood. Lord Mountbatten, qui admirait beaucoup le couple, avait comparé Pickfair à Buckingham Palace. Ils ont conféré un statut inédit à Hollywood, ce qu'elle n'avait pas auparavant. They bought a status to Hollywood, which it previously did not have. Extrait du documentaire Mary Pickford, diffusé au réseau anglais de la télévision de Radio-Canada. Pour nous raconter l'histoire du couple Pickford-Fairbanks, je reçois Maxime Labrec, qui est critique de cinéma, professeur de cinéma également et de littérature au Collège de Maisonneuve et au Cégep Garneau. Maxime Labrec, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. On parle souvent, Maxime Labrec, de ce couple-là, le couple Douglas Fairbanks-Mary Pickford, comme du couple royal d'Hollywood au temps du cinéma muet. On utilisait cette expression, d'ailleurs, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Pourquoi? Ils ont contribué à bâtir les fondations du star system hollywoodien. Ils étaient déjà individuellement des personnalités les plus influentes de leur temps, alors leur union n'a fait qu'exacerber le pouvoir de fascination qu'ils exerçaient à travers le monde entier. Et on peine à s'imaginer la portée de leur influence aujourd'hui, car malheureusement, les deux ont sombré dans l'oubli, malgré tout ce qu'ils ont accompli. Donc, deux immenses vedettes qui, en plus, ont un poids réel, sont des acteurs, mais dans tous les sens, là, vont être des acteurs importants, des bâtisseurs de ce que va devenir le cinéma Hollywood. Absolument. Et même si vous êtes déjà allé à Los Angeles, en Californie, que vous avez déjà visité les studios Warner, Paramount ou Universal, que vous êtes déjà promené à Beverly Hills pour apercevoir les résidences cossues des stars, eh bien, au début des années 1910, quand leur carrière commence, tout était encore à faire à l'époque. Alors, c'est un voyage vraiment qu'on fait aujourd'hui pour découvrir ces deux artistes bâtisseurs qui sont envers qui l'industrie cinématographique est redevable. Et même ces fameuses lettres, le gros Hollywood sur les collines, c'est cette image qu'on voit et qu'on a vue et qu'on a revue. Ils sont associés à la création de ce Hollywood, de ce star system dont vous nous parlez il y a un instant. Parlons-en de ce Hollywood du début du cinéma muet dans lequel il débarque. À quoi ça ressemble, ce Hollywood-là, au moment où Pickford et Fairbanks font la pluie et le beau temps? Il faut comprendre qu'au départ, le cinéma, hein, l'invention est attribuée aux frères Lumière en 1895, mais le cinéma était tout jeune, évidemment, à l'époque. C'est une invention technique qui était curieuse, un divertissement pour les classes populaires, bien plus qu'une forme d'art avec son propre langage là, à l'époque. Les films étaient très courts aussi, au tout début, puis certains inventeurs, là, on pense même à Thomas Edison, ben, ils étaient impliqués dans une guerre de brevets pour tenter d'obtenir le monopole sur cette industrie naissante. Oui. Alors, il faut aussi comprendre qu'au départ, les grands studios de cinéma dont je parlais, là, la Warner, Paramount, Universal, etc., ben évidemment, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, même ouais. loin de là. Les studios étaient, en fait, non pas à Hollywood, mais sur la côte est américaine. On pense principalement à Fort Lee au New Jersey ou à New York, en fait, où se trouvaient, entre autres, les studios de la Biograph. Et comme à l'époque, le théâtre est vu comme l'art noble par excellence, ben, les acteurs de cinéma qui, eux, commencent, pour le cinéma muet, ne sont pas bien perçus par la population. Ils sont, je vous dirais, en quelque sorte stigmatisés, sous-payés. C'est un métier, on dit même honteux, on dit que ce sont des gens qui font toujours la fête, qui ont de mauvaises mœurs, etc., etc. Mais c'est vraiment à partir des années 1910 que, tranquillement, les studios vont migrer sur la côte ouest, pour différentes raisons. Là. Entre autres. Vous avez tout à fait raison, le climat y est tout à fait favorable. La lumière naturelle aussi abonde. La main-d'œuvre est bon marché. Les décors naturels sont très diversifiés. C'est loin des centres décisionnels, il y a moins d'impôts, etc., etc. Donc, c'est vraiment dans ce contexte que les grands studios se développent peu à peu. Oui. Et puis, il y a le fait, pour revenir à l'importance que vont occuper Pickford et Fairbanks dans ce Hollywood à l'ère du cinéma muet, à l'âge d'or du cinéma muet, il y a le fait que tous les deux sont des acteurs très, très connus. On va parler de leur carrière respective parce que ça vaut quand même le détour avant de revenir au couple comme tel. Parlons d'abord de Douglas Fairbanks et pour nous mettre en appétit, on écoute à nouveau Julia et Clara Kupperberg qui ont réalisé donc un documentaire sur Douglas Fairbanks au micro de Sonia De Villers à l'émission L'Instant M, diffusée à France Inter en janvier 2019. Alors, il y a une question qui me taraude depuis que j'ai terminé votre film. Douglas Fairbanks, fut-il un bon ou un mauvais acteur? C'est une bonne question. Julia, c'est une très bonne question, on nous la pose. C'est vrai qu'on... Moi, je crois qu'il est plus que ça, en fait. C'est ce qui nous a plu chez lui. C'est plus qu'un acteur, il a tout inventé. Il a tout inventé, mais moi, je vous parle de l'acteur. Bah oui, oui. Mais en tant qu'acteur aussi. En tant qu'acteur aussi, il a inventé les mimiques, il a inventé le rôle du super-héros. C'est lui qui a... Nous, on est amoureuse de lui, hein, maintenant, de toute façon. Hein, soyons ben voilà, honnêtes. C'est hein. dit. Donc, on ne peut pas être objective. Hein. Non, mais il a créé un fantasme. C'était un fantasme à l'époque. Parce que quand elle dit qu'il a tout inventé, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas Zorro, Robin des Bois, des super-héros, comme on a aujourd'hui. Nous, on est abondés de super-héros. Mais on n'avait pas ça dans les années 10. Et donc, il a apporté ça, avec en même temps ce physique très sexy. Hein. Oui. Pour l'époque, nous, on a peut-être du mal aujourd'hui à s'en rendre compte, mais il était considéré comme un sexe symbole. Et puis, en même temps, une touche de gentillesse, il avait une bonhomie. Julia, c'est quand même l'histoire d'un acteur qui triompha à Broadway sur un bide épouvantable, c'est-à-dire sur un trou de mémoire. C'est-à-dire génial. Il a tellement perdu son texte qu'il n'a rien pu faire d'autre que de sourire. Et c'est ce sourire qui est éminemment solaire qui fit son triomphe. Ah oui, mais ce sourire, vous ne pouvez pas l'effacer de votre mémoire une fois que vous l'avez vu sourire. Mais lui, par contre, se pensait très mauvais acteur. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui le rend sympa. Et c'est ce qui le rend sympathique et touchant. Quoi. Alors, parlez-nous de ces deux monstres sacrés que sont Mary Pickford et Douglas Fairbanks dans ce Hollywood du cinéma muet, Maxime Labrec. Commençons par Douglas Fairbanks. Qui est-il et quelle place occupe-t-il dans ce Hollywood de l'époque? Bien, tout d'abord, Douglas Fairbanks est né à Denver, au Colorado, en 1883. Il faut dire que son enfance n'est pas particulièrement joyeuse. Hein. Il a été abandonné par son père, du nom de Charles Ullman, à l'âge de 5 ans. Alors, sa mère fait changer son nom pour celui d'un précédent mari, devenant ici Fairbanks. Donc, ça a été quand même mentionné aussi dans l'extrait. Il commence sa carrière, évidemment, au théâtre, à Denver, avant de se lancer à Broadway en 1902. Peu de temps après, il va épouser Annabeth Sully, qui sera sa première épouse, avec qui il a aura un fils, Douglas Fairbanks Jr. Oui. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs lui qui deviendra acteur, tout comme son père, et qui sera le tout premier mari de Joan Crawford. Ah bon? Et c'est en 1915 que Fairbanks joue dans son premier film, qui est The Lamb, ou Le Timide en français, un film produit par un personnage qui va devenait très important dans sa vie aussi, qui est D.W. Griffith. Donc, à l'époque même, déjà, un des réalisateurs les plus en vue. Bon, sans être le plus grand acteur, ce qui marque, c'est surtout sa personnalité, son charisme, ses prouesses physiques qui lui permettent de se démarquer rapidement. Il devient un as de la comédie, des films de cap et d'épée, en plus d'être reconnu pour son sourire, évidemment. C'est lui, d'ailleurs, qui, pour la toute première fois, incarne au cinéma Robin des Bois, oui. Zorro, D'Artagnan, le pirate noir, ainsi de suite. Et dans les années 20, il est déjà connu partout à travers le monde et son mariage avec Mary Pickford ne fera qu'augmenter sa popularité, je vous dirais. Alors, il a une carrière prolifique au temps du cinéma muet, mais je vous dirais qu'après l'arrivée du cinéma parlant en 1927, son intérêt pour le 7e art commence à décroître, en fait. Et si je peux me permettre de contextualiser le tout, il faut comprendre le choc que cette révolution a provoqué sur l'industrie cinématographique en entier. Là. L'arrivée du parlant, c'est la tour de Babel. Il suffit de voir des films comme The Artist ou encore Singing in the Rain pour s'en convaincre. Le cinéma muet, c'était universel, puisqu'on n'avait pas à se préoccuper des langues. Mais là, on réalise que la voix de certains acteurs est peut-être trop aiguë ou qu'ils ont un accent trop prononcé. C'est aussi qu'on joue plus de la même manière. Il y a maintenant des micros à considérer, des dialogues à respecter scrupuleusement. Alors, de nombreuses carrières se sont effondrées à l'époque. Et effectivement, il va donc s'éloigner, Fairbanks. À partir du moment où l'ère du muet se termine, c'est un peu le début de son éclipse avec la arrivée du parlant. Mary Pickford, elle vaut aussi le détour. Parlez-nous d'elle. Qu'est-ce qui l'amène à Hollywood? Quel genre d'actrice est-elle? C'était vraiment une battante, au parcours semé d'embûches, mais qui a su se faire entendre et respecter dans un monde d'hommes à l'époque. Son vrai nom est d'ailleurs Gladys Smith et elle est née à Toronto en 1892. Son père décède alors qu'elle est très jeune, donc tout comme Fairbanks, elle n'aura pas vraiment de figure paternelle. Le contexte dans lequel elle grandit aussi, sa famille n'avait pas d'argent, alors elle commence à travailler dès l'âge de 5 ans au théâtre, avec sa mère, son frère, sa sœur, puis par la force des choses, la famille va travailler ensuite à Broadway. Donc, elle commence au théâtre, tout comme Fairbanks aussi. Et c'est à partir de 1909 qu'elle fait ses débuts au studio new-yorkais de la Biograph, où Griffith réalisait un film de 8 minutes par jour. Et pour l'anecdote, les acteurs étaient payés 5 $ par film à l'époque, mais Mary, avec ses talents de négociatrice, en a obtenu 10. Et la jeune actrice, donc, continue à apporter un côté réaliste et de plus en plus subtil aussi au cinéma, par des petits gestes naturels et moins théâtraux à l'écran. Et 2 ans plus tard, donc, alors qu'elle était âgée de 18 ans, Mary épouse l'acteur Owen Moore, mais ce sera un mariage plutôt malheureux, évidemment. Pour continuer en fait sur la carrière de Mary Pickford, elle se fait remarquer très rapidement et tout le monde parle de la Biograph Girl ou la fille avec les boucles, sans connaître son nom parce que à l'époque, les acteurs, avant 1910 en fait, n'apparaissaient même pas au générique des films. C'était les producteurs qui avaient vraiment le gros bout du bâton ici. Et progressivement, je vous parlais donc de ses talents de négociatrice. À partir de 1916, elle signe un contrat avec Adolphe Zukor, The Famous Players, qui deviendra Paramount, qui lui garantit un contrôle des moyens de production des films dans lesquels elle joue et 10 000 $ par semaine. Et pas très longtemps après ça, d'ailleurs, elle va devenir la première femme aux États-Unis à gagner 1 000 000 $ en une année, ce qui est phénoménal pour l'époque. Bon. On revient au couple puissant et célèbre que forment Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Je vous propose d'écouter à ce sujet un extrait de l'émission Figure de proue, un épisode consacré à Mary Pickford qui a été diffusé à notre antenne manitobaine en 1995. L'adoration du public pour Mary Pickford atteint son paroxysme lorsqu'elle épouse l'acteur Douglas Fairbanks. Il est connu pour ses rôles de pirate et d'aventurier et connaît une popularité presque égale à celle de Mary Pickford. Un détail, cependant, les empêche de s'épouser. Ils sont tous deux déjà mariés. Mais comme par enchantement, à une époque où le divorce est quasiment chose impossible, les deux vedettes réussissent à se défaire de leurs encombrants époux. Le couple s'installe dans un véritable palais baptisé en l'honneur de ses deux propriétaires, Pickfair. Le critique britannique David Robinson affirme qu'à l'époque, leur mariage est perçu comme un conte de fées moderne. Pour le grand public, c'est le grand romance. Il était le, le roi et la reine de Hollywood, et il avait cette palais qui s'appelait Big Fair, c'était la crème de la crème de Hollywood. Seulement les grands de Hollywood visitaient, c'était un grand, grand privilège d'être invité à Big Fair. Et c'était comme ça, il était comme de royauté. Douglas Fairbanks et Mary Pickford se marient donc en 1920 à Maxime Labérec. Parlez-nous un peu du couple, comment ils se rencontrent d'abord et comment se développe cette idylle, cette légende des deux, Pickford et Fairbanks, comme couple. Ils se sont rencontrés, en fait, pour la première fois, ils étaient à New York en 1915, mais c'est vraiment lorsqu'ils partent en tournée pour les Bons de la Victoire, là, avec, tiens donc, Charlie Chaplin et Griffith, que leur idylle commence à devenir de plus en plus notoire, si on veut. Donc, l'extrait l'a très bien dit aussi, ils n'ont pas eu le choix de divorcer parce qu'ils étaient les deux mariés, ce qui aurait pu causer un scandale. Mais heureusement, ils s'en sont bien tirés. Ils s'en sont bien tirés parce que chacun avait une image déjà très forte et un lien très fort avec leurs fans. En fait, ils représentent l'optimisme américain, l'énergie, la jeunesse. Douglas représente en quelque sorte l'honneur, la galanterie, puis Mary, elle, c'est l'innocence et la pureté. Et je peux vous dire aussi ce qui est assez paradoxal, parce qu'à l'écran, Mary Pickford jouait très souvent des fillettes de 10 ans alors qu'elle en avait plus du double. Et le public ne voulait pas la voir grandir. Hein. C'était la petite fiancée de l'Amérique. Et après la mort de sa mère, là, quand elle a coupé ses longues boucles, c'est devenu vraiment... ça a été presque un scandale. La presse s'est vraiment enflammée. Mais ce qu'il faut retenir de ce couple, c'est qu'ils se sont mariés par amour. Hein. Leur union était équilibrée, basée sur le respect, l'intérêt commun. Et l'extrait le disait très bien aussi, donc leur voyage de noces a été vraiment... c'était une tournée incroyable avec plus de 200 000 personnes qui se présentaient à Londres. Les fans de l'actrice essayaient de toucher ses vêtements, etc. Ils l'ont piétinée, donc c'était la folie, un engouement incroyable. Ouais. Et puis, et d'ailleurs, la réalisatrice du documentaire à leur sujet, Julia Kuperberg, le disait très, très bien au début de l'émission, ils ont ce talent de savoir très, très bien mettre en scène cette histoire d'amour à laquelle le public américain adhère, mais ils savent très bien comment mousser leur popularité. Et ça, c'est très, très moderne, ce star system qui va beaucoup naître avec ce couple-là. Le couple va venir au Canada, à Montréal, en 1922, Maxime Labrec. Racontez-moi cet épisode-là. Qu'est-ce qui les amène chez nous? Ils sont venus ici, à Montréal, le 2 octobre 1922, alors qu'ils étaient vraiment au sommet de leur gloire. Là. Ils sont invités à inaugurer la station de radio CKAC, qui, à l'époque, appartenait au journal La Presse. Pour vous dire, là, vous pouvez regarder des photographies sur Internet, ça se trouve assez facilement, c'est irréel. Là, à leur époque, de les savoir ici, à Montréal, pour l'inauguration de CKAC, vraiment. Ouais. Ils sont un couple à la ville, ils sont un couple au grand écran aussi. Est-ce qu'ils vont jouer beaucoup de fêtes ensemble ou pas? Ils vont jouer en fait dans un seul film ensemble. Ils travaillaient ensemble beaucoup en tant que producteurs parce que les deux avaient chacun leur maison de production. Ils travaillaient au Pickford Fairbanks Studios en fait. Mais ils vont jouer dans un seul film ensemble qui s'appelle The Taming of the Shrew, adapté de la pièce de Shakespeare en 1929, donc La Mégère apprivoisée en français. C'est un film parlant en plus, donc le premier film entièrement parlant de Fairbanks. Mais je dois vous dire que le tournage a été plutôt éprouvant pour le couple aussi. Ça a été un échec commercial, etc. Donc, on n'était pas dans un contexte particulièrement festif, on peut se dire. Oui. Et ce qui fait que le couple, qui sait, vous aviez raison de le dire, puis c'est ça que les Américains ont vu et c'est ça que les Américains ont endossé, entre guillemets, parce que c'était un homme et une femme qui étaient mariés à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte. On accepte ce divorce-là parce qu'ils s'aiment, ils se sont vraiment aimés, mais... Comme ça arrive souvent, le couple finit par... les tensions apparaissent sur ce tournage et autrement, et ils se séparent officiellement en 1936. Et oui, cette histoire d'amour donc tire à sa fin déjà dans les années 30. Leurs engagements respectifs font en sorte qu'ils se voient de moins en moins, trouvent du réconfort dans des bras d'autres personnes aussi, comme ça pouvait arriver de temps en temps. Il faut comprendre que Fairbanks... abandonne son titre de roi d'Hollywood et préfère partir, lui, à travers le monde, alors que Mary, toujours très attachée à Hollywood, reste à Pickfair, elle. Les deux, donc, se marient, Douglas à Sylvia Ashley en 1936, qui est une aristocrate, et Mary va se marier en 1937 à... Charles Buddy Rogers, avec qui il va adopter deux enfants plus tard, mais elle reste vraiment plus recluse à Pickfair. Elle se retire aussi progressivement de ce monde qui était celui d'Hollywood à l'époque. Vous parliez de Pickfair, un tout petit mot. Ça a été évoqué dans les extraits, dans certains extraits, mais on n'en a pas encore parlé ensemble. Qu'est-ce que ça représente, cette affaire? D'abord, c'est la contraction de leurs deux noms, mais c'est une maison, une villa. Absolument. Au départ, c'est à Beverly Hills, donc, mais il n'y avait pratiquement rien à Beverly Hills à l'époque. Donc, c'est une villa qui a été donnée en cadeau de noces par Douglas à son épouse, donc Mary Pickford, et c'était vraiment le palais de Buckingham de l'Amérique. Là. C'est comme ça qu'on le décrivait. Et le couple aimait beaucoup, beaucoup recevoir, donc, des dignitaires, la royauté, les stars. Je vous nomme quelques personnes, là. Albert Einstein, Amelia Earhart, Greta Garbo, Charles Lindbergh, Charlie Chaplin, Helen Keller, Arthur Conan Doyle, et ainsi de suite. Le couple, qui n'avait pas d'enfants, adorait donc organiser des fêtes. Et leur mode de vie, là, on le disait tout à l'heure, là, était relaté dans tous les magazines de l'époque, vraiment. Oui. Terminons en parlant des bâtisseurs qu'ils ont été à Hollywood. Je l'évoquais au tout début de l'émission, la fameuse promenade des célébrités, l'Académie des Oscars, parce qu'ils ont été donc très, très présents comme vedettes au grand écran. Mais plus que ça, vous avez parlé de leur rôle de producteur. Quel legs ont-ils laissé? De quelle manière ces deux-là ont-ils transformé Hollywood? L'Académie, on en parlait tout à l'heure, les fameux Oscars, ce sont les deux des membres fondateurs, puis Fairbanks, qui, bon, même s'il n'a jamais remporté d'Oscar, là, va être le premier président de l'Académie, et aussi un des premiers programmes universitaires en études cinématographiques aux États-Unis, c'est lui qui a contribué à le fonder. Si vous êtes déjà allé au Chinese Theater à Hollywood, là où sont là, toutes les empreintes de mains et de pieds des stars dans le ciment, à la Walk of Fame, bien, Pickford, Fairbanks étaient les tout premiers à y laisser leur marque. Mais un des legs les plus importants, c'est du point de vue de la production. J'en parlais brièvement, donc avec Griffith, avec Chaplin. Ils ont fondé la United Artists en 1919. C'est une compagnie de distribution, mais pour faire un contrepoids aux majors comme Paramount, à l'époque, il y avait de plus en plus de contrôle. Donc, la United Artists va vraiment produire de nombreux succès au fil des années, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, Rocky, Annie Hall, La rue vers l'or de Chaplin aussi. Alors, ce ne sont que quelques-unes des réalisations du couple le plus célèbre du monde entier, hein? Mais évidemment, ça nous fait beaucoup réfléchir tout ça sur les traces qu'on laisse parce que malheureusement, on les a oubliées. En quelque sorte. Mais vous avez bien raison de rappeler, United Artists, là, pour l'histoire du cinéma, ça a donné les très grands films et d'autres dont vous avez parlé. C'était évidemment cette volonté de sortir de l'emprise des studios, des films faits pour et par les producteurs et de faire vraiment un cinéma indépendant. C'est le début de ça, au fond, du cinéma indépendant hollywoodien. Maxime Labrec, programmateur pour la FIFA, le Festival international du film sur l'art et pour le Festival du Nouveau Cinéma. Vous êtes également professeur, je le rappelle, de cinéma et de littérature au Collège de Maisonneuve et au Cégep Garneau. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.